écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos vies? J'ai pas envie de rentrer dans le jeu. Lui parler, toi t'agis. Est-ce que demain sera mieux? T'as jamais reculé, sinon pas de santé. Et t'es décidé à jamais regretter. T'as jamais reculé, sinon pas de santé. Et t'es décidé à jamais regretter. Toi tu veux pas louper le départ. Ce soir soit peut-être le gros soir. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à partir du souspressionpunk.com et à la radio CHU 89,1 FM ou Yellowknife et CVR 103,5 FM et avec L8 le 107,3 FM CFRT, CFRET. Moi je m'appelle Mathieu et comme à tous les semaines je vais faire jouer du Punk Sky Hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec du No Milk de leur album Star de Supermarché. C'était le morceau Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une bonne émission de planifiée pour vous cette semaine. On va continuer avec une autre bonne chanson. Évidemment, je vais pas vous faire jouer de la merde. Faire jouer un morceau de Les 3-8 tiré de leur split avec les partisans, le morceau Jeunesse fichée. Alors voici Les 3-8 à Sous Pression. Jeunesse fichée, direct en GAV. Jeunesse fichée. et qui n'avait rien fait, qui passait par là par hasard. Une fois que ce que je connaissais, discuté avec Alaska, le Schmitt les avait embarqués, mais pas pour les mêmes histoires. Jeunesse, fiché, direct en GAV. Jeunesse, fiché. Bien expose la peur de moi-même. Les psychos, les névroses, je tremble et je suis blême. Est-ce que cette souffrance arrêtera? Est-ce que cette douleur disparaîtra un jour au lendemain? Ma vie est bouleversée, gravement atteinte. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Ce délire, il est froid, c'est fin. L'épuisement total, le sentiment inhumain. Je n'ai jamais eu aussi mal. Est-ce que cette souffrance arrêtera? Que cette douleur disparaîtra un jour au lendemain. Obsédé par la mort, devant moi il n'y a plus rien. Hanté par les cauchemars, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me reconnais pas, dépression agressive. Je suis dans un sale état. Est-ce que cette souffrance arrêtera? Que cette douleur disparaîtra. C'était Que la bête meurt de leur démo sorti plus tôt cette année. C'est le morceau Je ne me reconnais pas du Memorial Voice. Avant ça, de leur EP Ne veut plus vivre, le morceau Drapeau noir, alors du vieux punk français qui rappelle beaucoup c'est le style de Crass, alors le anarcho-punk début, anarcho-punk du début des années 80. Ce son-là. Du traître avant ça avec le morceau Décadence de leur EP Dort bien, et on a commencé avec les 3-8, le morceau Jeunesse fichée du split qui ont sorti avec les Partisans l'année passée en 2016. Je continue la musique avec du Défaillance. Je vais faire jouer le morceau Holocrust tiré du split CD qui ont sorti avec deux autres groupes. Le split s'appelle 1222 avec les groupes Dead Cold et Chardiel. Alors ça, je vais jouer du Holocrust par Défaillance ici à Sous Pression. C'était Défaite de leur hippie comme des rats, le morceau Dans mes veines. La cavale avance avec Pour qu'ils ou elles se connaissent. Scrap avec le morceau de Si veut dire de leur hippie, grand talent, pas d'adon, pas en tout. Avançons et écouter du Bonne journée, le morceau Mercredi. Brutal Chérie avant ça avec Pas toute ma tête et de leur album Cours ou crève, et on a commencé le dernier bloc avec du Défaillance et leur morceau Holocrust. Alors, on est rendu mi-chemin de l'émission. Je vous rappelle, si vous écoutez à partir du site web souspressionpunk.com et vous êtes à Ottawa, à Yellowknife ou à Iqaluit, vous pouvez écouter l'émission à partir de dans ces villes-là, à partir de vos stations communautaires préférées, CHUO, CIVR et CFRT. Et bien sûr, si vous écoutez à la radio à Ottawa, Yellowknife ou Iqaluit, vous pouvez checker l'émission en ligne souspressionpunk.com. On a aussi une présence Facebook. Alors, si vous êtes sur Facebook, faites une recherche pour Souspression, ou sinon, allez facebook.com/souspression, cliquez j'aime et vous allez pouvoir suivre l'émission. Et si vous voulez m'envoyer un message plus en direct, c'est info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com pour envoyer de la musique, me dire bonjour, m'envoyer chier, comme vous voulez, envoyez-moi un message, ça me fera plaisir. Alors c'est ça, on va continuer la musique avec le bloc Sono Mondial, moment d'émission, je vais jouer des chansons par des groupes qui chantent ni en anglais ni en français. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe du Texas, le groupe s'appelle The Secret Prostitutes, ils ont sorti un split avec le groupe Cola Freaks en 2013. Le groupe chante en indonésien. Alors c'est ça, je vais faire jouer, c'est quand même intéressant, ça a un son un peu garage rock avec une voix, je sais pas, qui rappelle genre du punk, le style de punk qui aime faire chier le monde. Je sais pas si ça fait du sens là, ce que je viens de dire, mais en tout cas c'est la meilleure façon que je peux le faire pour décrire la meilleure façon que je peux trouver pour décrire leur son. Mais en tout cas, je vais me fermer là, je vais vous laisser écouter pour vous-même. Je vais faire jouer deux chansons, Tampa Masala et la chanson Sputnik. Alors voici du Secret Prostitute, ça sous pression. Segelas bir, tak perlu khawatir. Janganlah ini ber. c'était The Secret Prostitutes avec Tanpa Masala et Sputnik, qui ont continué avec du WD-40 et leur morceau Tu me donnes le goût d'être méchant. As-tu du sens, non j'en ai plus. Si Christ, je m'en rappelle plus. Envoie ta mère, reste pas dans le but. Pour voir que je l'ai, que je te vois plus. Puis en pensant, j'étais sérieux. Promets qu'elle aime, ça rend niaiseux. Oh, puis qui risque de punk sale. Tu me donnes le goût d'être méchant. Tu me donnes le goût d'être violent. Tu me donnes le goût de déchirer. Tu me donnes le goût d'être méchant. Tu me donnes le goût d'être méchant. Si tu veux, moi j'en ai plus. Madame, je sais qu'elle a tout vu. C'est sûr, 30 ans, ça dure longtemps. Ça rend sérieux en sacrement. En plus, ta peine, elles sont sorties. C'est rien que les hosties de John J. Amar. Oh, ma crise de salope. Tu me donnes le goût d'être méchant. Tu me donnes le goût d'être galère. Tu me donnes le goût d'enculer à ta cécile vivante. Tu me donnes le goût d'être méchant. Tu dis ça, si j'ai perdu les cartes, puis moi, ça marchait plus. Les fichiers m'ont trop aimé. Ils vont plus jamais m'oublier. En plus, ta paix est dans le fond. Je n'ai rien qu'un antique grès de con à part. Qui reste de police, quand je pense à toi, finalement je me dis que tu me donnes le goût d'être méchant, tu me donnes le goût d'être violent, tu me donnes le goût d'exister juste pour un délinquant, tu me donnes le goût d'être méchant. Je suis malade, je suis même plus, quand bien mon mal, je me comprends plus, les mots idéaux, je suis déprimé, j'ai rien que le goût de rester couché. Oh, quand j'y pense dans mon hostie, c'est bon, la télévision. Ouais, c'est dans mon et la télévision. Okay, c'est bon, ouais, c'est bon, c'est bon. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Suppression. On a commencé le dernier bloc avec du WD-40, le morceau Tu me donnes le goût d'être méchant. Les Breastfeeders après ça avec La lune à blâmer. Bermude avec Fille allégorique tirée de leur épi du même nom. Du Camera Silence après ça avec Suicide. Tue la mort avec le morceau Les Insoumis. Et Tue la mort devrait sortir un nouvel album des hauts et des bords cette semaine. Des arts culturels après ça avec Hasta Luego, et on vient d'écouter le monsieur de leur hippie Les Folles Aventures, c'était le morceau Novembre. Alors j'ai le temps de faire jouer un dernier morceau, je vais faire jouer un vieux morceau de Banlieue Rouge de leur album En attendant demain. C'est une chanson, vous allez voir, elle va donner son âge avec le titre À l'Est de Berlin, bien sûr, une chanson qui parle de Berlin-Est. Époque de la guerre froide, je pense que l'album est sorti en 1990, alors juste à la fin de la guerre froide. Mais en tout cas, c'est un bon morceau, je vais vous faire jouer celle-là, on va terminer avec cette chanson-là à l'Est de Berlin. Alors c'est ça, voici du Banlieue Rouge, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Pas de sortie, pas d'entrée, c'est ce qu'il nous fallait endurer à Berlin-Est.